France Impro, ça donne chaud. Bonjour Toulouse, bienvenue sur France Impro, bonjour sur France Impro, Radio FMR 89.1. Ce matin, ce sera une spéciale Evan Parker, donc on parlera un tout petit peu d'Evan Parker et surtout on écoutera Evan Parker, on commence tout de suite. Ah! Thank you. Section de Evan Parker, d'un duo de Evan Parker et John Viz en 2009. Alors John Viz était à l'électronique, à la bande et à l'ordinateur, et Evan Parker bien sûr au saxophone, ténor et soprano. Donc un duo, il n'y a pas grand chose comme note sur ce disque, à part qu'il s'agit d'improvisation en temps réel à et qu'il faut jouer donc sur notre système son à un volume maximum. Voilà, donc on va parler un tout petit peu d'Evan Parker, donc que je vais plagier librement la notice Wikipédia. Evan Parker est un saxophoniste de jazz et de musique improvisée anglais, né en 1944 à Bristol. Il est célèbre pour sa participation au développement du free jazz et de la musique improvisée en Europe, ainsi que pour le développement de techniques très personnelles au saxophone. Il commence à étudier le saxophone à 14 ans. Il ne se dirige pas tout de suite vers la musique, mais entame des études de botanique à l'université de Birmingham, puis déménage à Londres. En 1966, Parker commence à jouer dans le Spontaneous Music Ensemble avec John Stevens. En 68, Evan Parker quitte le SME, le Spontaneous Music Ensemble, et commence à jouer régulièrement avec Derek Bailey, avec lequel il fonde le label Incus en 1971. Derek Bailey, autre grand monsieur de la musique improvisée. Nous allons continuer avec un autre album qui s'appelle Monoceros. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vous êtes sur France Impro. Vous êtes bien sur France Impro, Radio FMR 89.1. Nous venons d'écouter le solo inaugural de l'album Monoceros de Evan Parker de 1978. On continue un petit peu avec la notice Wikipédia de Evan Parker, qui est surtout connu pour sa participation au développement de la musique improvisée européenne dans les années 60. Il assimile rapidement l'héritage américain, John Coltrane, Pharoah Sanders, Albert Tyler en particulier, à partir duquel il forge son propre style, immédiatement identifiable. Ce style est basé sur une fantastique technique saxophonistique qui lui permet de créer de véritables nappes de sons polyphoniques grâce à une parfaite maîtrise de la respiration circulaire et au développement d'une technique personnelle utilisant les multiphoniques et les fausses notes harmoniques, créant l'illusion de la polyphonie. Donc on a bien pu entendre ça dans ce qu'on vient d'entendre. Ses premières expérimentations étaient si intenses qu'il arrivait parfois que le sang s'écoule de son saxophone. Le résultat sonore de cette technique est une nappe de sons tournoyants, parfois mêlée de sonorités agressives, qui crée une impression fluide de mouvements multidirectionnels plutôt qu'une mélodie. La première fois que moi j'ai entendu Evan Parker, ça m'a fait un choc parce que ce gars joue en 10 minutes plus de notes que moi. Je joue de la trompette en un mois ou plusieurs mois. Il est assez impressionnant. Donc, et sur les 20 minutes de solo qu'on vient d'entendre, il n'y a pas eu de silence grâce à sa technique de respiration circulaire. En fait, ça consiste à prendre de l'air dans les joues et continuer à expulser l'air avec les muscles des joues pendant qu'on respire rapidement avec le nez. Voilà, ça permet d'avoir un son continu avec les instruments avant. Ce qui est quand même pas évident, vous en conviendrez. Vous pouvez essayer avec une paille, ça demande un petit peu d'entraînement. On va continuer avec un petit détour sur l'agenda des sonophages. Alors, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci, et je m'aperçois que je viens de perdre la page de l'agenda des sonophages, le voilà. Alors, ce mois-ci, dans l'agenda des sonophages, nous avons le festival Printemps de Septembre qui continue à Toulouse. Donc, là, plein de choses à voir, plein de choses à faire. Je vous laisse regarder. Le 27 octobre, nous avons un concert d'un certain Mike Cooper, solo voix, guitare, dobro et effet. Mike Cooper passera au Café de la Concorde à 19h. Participation libre, donc 17 rue de la Concorde. Puis le 28, nous avons Krakow Night. Alors ça, c'est incontournable. Krakow Night, ça se passera au Goethe Institut. Alors, j'ai pas l'heure là, mais ce sera quelque chose comme 19 ou 20 heures à vérifier sur le site du Goethe Institut, donc qui est situé 4 bis rue Clément Cisor. Alors, Krakow Night, c'est Peter Brossman au saxophone et à la clarinette, Steve Swell au trombone et Paul Nielsen Love à la batterie et aux percussions. Alors, Peter Brossman, c'est au même, à l'instar d'Evan Parker, un des papes de la musique improvisée européenne. un très très grand monsieur qui commence à être un peu âgé, mais qu'il faut toujours, enfin qu'il faut pas rater quoi. Donc ça va vraiment être très très intéressant. On continue avec un autre album d'Evan Parker en duo qui s'appelle Ra. Thank you. écoutons actuellement un extrait de Ra, le premier morceau de l'album éponyme Ra, qui est un duo entre Evan Parker et Paul Layton dans les années 70, je n'ai pas la date exacte. On va terminer avec un nouveau solo d'Evan Parker qui s'appelle Whitstable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Impro, Radio FMR 89.1. Rendez-vous dans deux semaines. Donc, je rappelle, France Impro, c'est tous les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 10h à 11h sur Radio FMR. À très bientôt. Thank you.